الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فجميع الناس خلقوا لإفراد الله عز وجل بالعبادة وهذه العبادات منها القولية ومنها البدنية ومنها القلبية وهي أعظمها ومحركات القلوب الذي يركان العبادات ثلاث الخوف والرجاء والمحبة ومتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صاحبه أبدا ومتى ضعف في شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبها قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى وخطبة اليوم في الرجاء الرجاء ما هو قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن ينقو عنه ذنبه وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها والنصوص الشرعية متكاثرة في ذكر الرجاء والحث عليه وكذا الثناء على أهله قال أرحم الراحمين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم فالله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب لمن تاب إليه فهل يسمع مسلم هذه الآية ثم لا ينيب إلى ربه ثم لا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إخواني من أراد أن يذوق وأن يتلذذ بحلاوة هذه العبادة عليه أن يستشعر سرة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد وجوده وإحسانه ثم ليحسن الظن به سبحانه وتعالى لذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته قال سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ما دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة وإن شاء غفر له والله أرحم والله سبحانه وتعالى رحمته واسعة واسعت كل شيء من حيث لو رجع الكافر عن كفره إلى الإسلام لغفره الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأنت مسلم فكيف لا تسمع أن يغفر الله لك؟ إذن بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى يغفر الله كل شيء. وبدون التوبة ما دون الشرك تحت من مشيئة. والله سبحانه وتعالى يحب أهل الرجاء وأثنى عليهم في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالرجاء يجر صاحبه إلى إنقاذ نفسه من الهلك والذنوب بفعل الطاعات الجليلة لطمعه فيما عند الله سبحانه وتعالى من المغفرة والثواب. ونستفيد أيضا من هذه الآية الفرق بين الرجاء والتمني، فالأول يعمل ويجتهد في العمل ويندم على ما سلف من الذنوب، أما صاحب التمني صاحب كسل لا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يحسن العمل، ومع ذلك يتمنى أن لا يعذبه الله سبحانه وتعالى على تقصيره. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم وإليكم بعض الأحاديث النبوية تبين لنا سعة رحمة الله وكرمه، وبها تقوى رجاؤنا بالإقلاع عن الذنوب والتقرب إلى المحبوب سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. اسمع هذا الحديث العظيم عبد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الإمام الترمذي وهو حديث حسن. تأملوا هذا الخطاب اللطيف، يخاطبكم ربكم خالقكم مع أنه غني عنا سبحانه، ونحن نعصيه ولا نستغني عن إلهنا طرفة عين، أنعم وتفضل ومع هذا قل شكرنا، كثرت ذنوبنا ونرجي التوبة، فهل نستجيب نداء الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار أم لا؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دام أرواحهم في أبدانهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ما استغفروني حسنه العلامة الألباني فنستغفر الله. انظروا إلى عداوة الشيطان وانظروا إلى كرم الرحمن، فلا يجوز بعد ذلك القنوط من رحمة الله. قال جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فرحمة الله أوسع من أن يصيبك اليأس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته الحديث. متفق عليه. ومن قرأ في تراجم السلف وجد فيها ما كان عندهم من قوة الرجاء. ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى عن سليمان الحكم ابن عوان رحمه الله تعالى أن رجلا دعا بعرفات فقال: لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا. فثم بكى: لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا. ثم بكى: ما خالك تفعل بعفوك؟ ثم بكى ثم قال: ولئن فعلت فبذنوبنا لتجمعن بيننا وبين قوم طالما عاديناهم فيك. وعن عطاء بن المبارك قال: قال بعض العباد: لما علمت أن ربي عز وجل يلي محاسبتي زال عني حزني لأن الكريم إذا حاسب تفضل. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما أحب أن محاسبتي جعل إلى والدي، ربي خير لي من والدي، ربي خير لي من والدي. فهكذا كان السلف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. ثم أما بعد، الله nous dit dans son livre: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. De par cela on comprend que l'ensemble des personnes ont été créées pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Et sachez qu'il y a parmi les adorations certaines qui se font avec la parole d'autres qui se font avec les membres, et d'autres qui se réalisent avec le cœur. Et les adorations du cœur sont les plus importantes et les plus grandes. Et les choses qui font bouger le cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, en d'autres termes, les piliers de l'adoration sont au nombre de trois. Et toutes sont des adorations du cœur. L'amour, la crainte et l'espérance. L'amour, la crainte et l'espoir. Et lorsque cela s'éloigne du cœur du serviteur, lorsque ces trois caractéristiques sortent du cœur du serviteur, tu ne peux plus rien espérer de lui. Tu ne peux plus rien espérer de lui et son cœur se voit anéanti. Et plus ces caractéristiques diminuent dans le cœur du croyant, et plus sa foi diminuera, comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et le sujet du jour est l'espoir. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala définit l'espoir, cette grande adoration du cœur, en nous disant: lorsque le serviteur a des manquements, ou lorsqu'il commet un péché, il espère tout le bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il espère qu'Allah lui pardonne ce péché et lui efface. Et de la même façon, lorsqu'il fait une bonne action, il espère qu'Allah accepte cela de lui. Donc l'espoir, c'est le fait de rechercher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'espérer auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir eu des manquements envers lui, qu'il nous excuse et qu'il nous pardonne nos péchés. Et c'est le fait d'espérer, après avoir fait de bonnes actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cela de nous et nous récompense grandement. Et les textes, que ce soit du Coran ou des récits prophétiques, sont très nombreux dans ce sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui ont cette noble qualité. Allah nous dit dans son livre: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, et c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala pardonne l'ensemble des péchés, sans exception, pour celui qui se repent à lui, subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui regrette son acte, Allah lui efface et il le pardonne. Et celui qui veut goûter aux délices de cette adoration, qu'il pense à la vasteté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il médite sur les grands signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, qui sont des preuves de sa miséricorde. À travers cela, tu verras sa bonté, sa générosité, sa richesse. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: plus tu connais Allah à travers ses noms, à travers ses qualités, à travers ses attributs, et plus ton espoir sera grand en lui. Allah nous dit dans son livre: celui qui fait une mauvaise action ou de l'injustice, ou se fait de l'injustice à lui-même, puis demande pardon à Allah, il trouvera alors Allah pardonneur et miséricordieux. Quel que soit le mal que tu fais, si tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu le trouveras doux et bon envers toi, il aura de la pitié envers toi, il te pardonnera tes péchés. Allah nous dit dans son livre: certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Donc tous les péchés qui sont en dessous du shirk, en dessous du polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala peut te les pardonner. Si tu arrives et tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala avec des péchés, sans t'en être repenti, tu seras sous sa volonté. S'il veut, il te pardonnera directement, il te fera entrer dans son paradis. Et s'il le veut, il te châtiera pour ton péché, et ta destination finale sera le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a une miséricorde vaste qui touche toutes choses, même le mécréant s'il revient à l'islam. Allah nous dit dans le Coran: dis à ceux qui ont mécru, s'ils délaissent cela, c'est-à-dire la mécréance et le polythéisme, Allah leur pardonnera ce qui est passé. Et toi, tu n'es pas un mécréant, tu es un musulman. Alors la miséricorde d'Allah est encore plus proche de toi. Comment est-ce qu'on pourrait donc après cela désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allah fait les éloges de ceux qui ont cette noble caractéristique en nous disant dans son livre, certes ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc toute personne ayant espoir, cela le poussera à agir pour Allah subhanahu wa ta'ala, en agissant par les plus belles actions et les plus belles adorations qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, la personne qui se noie dans les péchés ne regrette pas et ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, celle-là, on ne peut pas dire d'elle qu'elle a l'espoir. Celle-là, on ne peut pas dire d'elle qu'elle a l'espoir. La personne qui a l'espoir est la personne qui regrette. La personne qui se dirige vers Allah et se repent après avoir commis des péchés et des excès. Par contre, la personne qui ne fait rien et qui reste dans ses péchés, on ne dit pas d'elle qu'elle a cette noble caractéristique qui est al-raja, l'espoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité de nombreux hadiths qui vont augmenter notre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et voir l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans un hadith, Allah le Très-Haut dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et tant que tu espéreras en moi, je te pardonnerai tes péchés. Tant que tu espéreras en moi et tant que tu me demanderas pardon, je te pardonne, et tant que tu m'invoqueras, je te pardonnerai tes péchés. Sans faire attention. C'est-à-dire sans regarder l'étendue de tes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala te les pardonnera tous. Ô fils d'Adam, si tes péchés auraient atteint les cieux, et ensuite tu serais venu me demander pardon, je te pardonnerai tes péchés. Sans faire attention. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec l'étendue de la terre remplie de péchés, je viendrai à toi avec autant de pardon. Je viendrai à toi avec autant de pardon tant que tu ne m'associeras à rien. Méditez ce hadith. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle Yabna Adam, et toi tu fais partie de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, celui qui possède tout, celui qui t'a tout donné, et il n'a nullement besoin de nous ni de notre adoration. Pourtant il nous appelle, ô fils d'Adam, il nous appelle à revenir vers lui, à lui demander pardon subhanahu wa ta'ala. Et nous qui avons de nombreux péchés, on se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on ne peut se passer de lui ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Il nous faut donc revenir à Allah subhanahu wa ta'ala par la demande de pardon et le repentir afin de bénéficier de ce grand bienfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes le diable a dit, par ta puissance ô Seigneur, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leur âme sera présente dans leur corps. C'est-à-dire tant que tu es en vie, le diable te déclare la guerre et essaye de t'égarer et de te faire sortir du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et écoutez la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a répondu, par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Al-Shaytan ne cesse de vouloir t'égarer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu lui demandes pardon, il t'efface et te pardonne tes péchés. Il ne nous est donc pas permis après cela de désespérer de la miséricorde d'Allah. Et Allah dit à cet effet, et qui pourrait désespérer de la miséricorde d'Allah si ce n'est ceux qui sont égarés? Et la miséricorde d'Allah est bien trop vaste pour qu'on puisse désespérer de lui, de son pardon et de son paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah a 100 miséricordes. C'est-à-dire qu'Allah a créé 100 miséricordes. Il en a mis une seule sur la terre. Et il l'a répandu, il l'a partagé entre les démons, entre les hommes et les animaux. Avec cette miséricorde-là, ils sont doux les uns vers les autres. Ils se font miséricorde les uns vers les autres. Et il en a gardé 99 pour le jour du jugement dernier. Il en a gardé 99 pour le jour du jugement dernier. Avec cela, il fera miséricorde aux croyants. Avec cela, il fera miséricorde à ses serviteurs le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Omar radiallahu anhu nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le jour du jugement dernier, Allah rapprochera de lui le croyant, et il mettra sur lui, ou bien il le cachera, et il lui dira, est-ce que tu reconnais tel péché? Est-ce que tu as commis tel péché? Est-ce que tu reconnais avoir fait tel péché? Et le serviteur dira, oui au Seigneur. Oui au Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera, n'as-tu pas commis telle faute? N'as-tu pas fait tel péché? Et le serviteur répondra, oui au Seigneur. Et Allah va lui faire reconnaître l'ensemble de ses péchés. Et à ce moment-là, le serviteur se dira en lui-même qu'il sera anéanti. Avec tous ses péchés, comment est-ce qu'il pourra réussir? Et comment est-ce qu'il pourra être sauvé? Et comment est-ce qu'il pourra être sauvé de l'enfer? Comment est-ce qu'il pourra entrer au paradis? Mais écoutez la suite du hadith. Ensuite Allah lui dira, je t'ai caché ces péchés-là dans ce bas-monde. Je te les ai cachés, ou bien je les ai cachés dans ce bas-monde. Et aujourd'hui, je te les pardonne tous. Et aujourd'hui, je te les pardonne tous. Ma'a'zama rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Et on lui donnera son livre de la main droite, son livre de bonnes actions, jusqu'à la fin du hadith. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il revenait d'une bataille, a vu une femme qui avait perdu son enfant. Elle était attristée par cela, elle le cherchait partout. Et il faisait très chaud. C'est alors qu'elle l'a retrouvé. Elle l'a couvert de par son corps pour le préserver du soleil. Et ensuite, elle l'a mis contre elle et elle l'a allaité. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu enseigner l'étendue de la miséricorde d'Allah aux compagnons et leur a dit, voyez-vous cette femme? La pensez-vous capable de jeter son enfant dans le feu? Les compagnons ont dit non au messager d'Allah, tant qu'elle aura le choix. Il lui a donc dit, sachez alors que la miséricorde d'Allah envers son serviteur est plus grande encore. Imagine tes parents, est-ce qu'ils seraient capables de te jeter dans le feu de l'enfer? Jamais. Même si tu aurais commis tous les excès, ben sache qu'Allah Azza wa Jal et a plus de pitié envers toi que tes propres parents, et plus de miséricorde que toi, pour toi que tes propres parents. Et c'est pour cela que lorsqu'on lit dans la vie des anciens, on trouve des choses, on trouve les choses les plus étonnantes en ce qui concerne l'espoir qu'ils avaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est venu de la grande science qu'ils avaient d'Allah tabaraka wa ta'ala, de par ses noms et de par ses attributs. Un homme était à Arafah, donc pendant les jours du Hajj, et c'est le meilleur jour de l'année. Et c'est alors qu'il s'est mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant, ô notre Seigneur, ô notre Seigneur, ne nous châtie pas avec le feu, après avoir mis l'islam dans nos cœurs. Ô Allah, ne nous châtie pas avec le feu, après avoir fait habiter le tawhid dans nos cœurs, après avoir mis l'unicité dans nos cœurs. Ensuite il s'est mis à pleurer. Puis il a dit, ô Allah, comment est-ce que nos fautes pourraient être plus fortes que ton pardon? Ensuite il s'est mis à pleurer. Ô Allah, et si tu le fais, c'est-à-dire si tu le mets en enfer, alors ce sera à cause de nos péchés. Alors ce sera à cause de nos péchés. Et tu auras uni en enfer entre nous et avec des gens qu'on a tant détestés pour toi. C'est-à-dire les koufars. Et ensuite il s'est mis à pleurer. Et un autre parmi les anciens a dit, lorsque j'ai su que le jugement sera fait par Allah subhanahu wa ta'ala, que les comptes, le jour du jugement dernier, sera fait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors je n'ai plus jamais été triste. Je n'ai plus jamais été triste, car celui qui est généreux, quand il fait les comptes, il donne avec largesse. Car celui qui est généreux, lorsqu'il fait les comptes, il donne avec largesse. Et Sufyan al-Thawri disait, je n'aimerais pas que mon jugement soit donné entre les mains de mes propres parents. Car Allah est mieux pour moi que mes propres parents. Car Allah est mieux pour moi que mes propres parents. Et pour conclure, il y a un homme qui s'appelle Al-Farazdat, qui est un poète, et qui était mal aimé de beaucoup de personnes, car il se moquait beaucoup des gens. Et il y a une salat jinaza, il y a une prière funéraire ou mortuaire, et il y avait dans la même assise Al-Hassan al-Basri. Alors une personne a dit, Ijtama'a fi hadha al-maqam khayrun nas ma'a sharrin nas. Se sont unis dans cette place la meilleure des personnes, c'est-à-dire Al-Hassan, avec la pire des personnes, c'est-à-dire Al-Farazdaq. Al-Farazdaq a été attristé par cette parole. À la fin, Al-Hassan al-Basri est parti le trouver et il lui a dit, comment se fait-il que tu es si triste? Il lui a dit, n'as-tu pas entendu ces personnes-là? N'as-tu pas entendu leurs paroles? Alors Al-Hassan lui a dit, ne fais pas attention à ça. Walakin akhbirni ya Al-Farazdaq, ma'da a'adadta li hada al-yawm. Informe-moi Al-Farazdaq, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? C'est-à-dire le jour où tu vas mourir. Al-Farazdaq a répondu, La ilaha illallah منذ 80 عاما. Il a répondu, j'ai préparé La ilaha illallah depuis 80 ans. Ça fait 80 années que je vis avec La ilaha illallah. C'est la chose que j'ai préparée pour le jour où je vais mourir. Et le plus grand espoir, il vient de là, mes frères. Le fait de mourir sur le tawhid. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على التوحيد وعلى السنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والحمد لله رب العالمين